sortir là-dessus. Il va falloir kicker sec. Qu'est-ce qu'on peut sortir là-dessus? rapide que Fefe. Posé comme TJ, un instinct des plus subtils. Alors fais-moi plaisir, élève le poing en l'air si tu kiffes. Comme un nana vénère au milieu d'une manif anti-bling. Autant quand il poule. Bon, c'est vrai, sur celle-là, je me suis pas foulé. Mais c'est pour tous mes gars sous l'eau, mes gars saoulés. Par les antiques couscous, ce gars avant de cassouler mon rap. Pète la tête comme celui de Linus. Or, complète, je suis Nazareth, mais avec plus de lust, mon rap. C'est la pyrotechnie, j'explose les flots. Mais tu sais quoi, je fais pyrotechnique. À force de m'écouter, tu vires anti-pap, tu capotes. C'est vrai, je rappe, mais tu sais quoi, moi je préfère être pote. Avec des gars qui vont à pas de basket-ball. Qu'avec ceux qui conduisent des 4x4, bas de caisse propre, hein.